Ma woman, le bonheur c'est nous. Le bonheur c'est nous. Mais quand tu t'éloignes de moi, je pense à ce qu'on s'est dit. Qu'on s'est dit. Tu sais, je te cherche depuis longtemps. Wanna see you, my baby. Oh. Je voulais ton cœur depuis longtemps. Wanna see you, my baby. Oh. Je kiffe ta cambrure, je kiffe ton dos. J'aime bien le feeling et nana, c'est fini. Je kiffe ta cambrure, je kiffe ton dos. Lundi au lundi, tu restes ma baby. Oh. Baby, my love. My baby, my love. Baby, my love. Je t'emmène en balade. Je t'emmène en balade. N'écoute pas les haines, les choses que j'ai pas commises. Pas commises que j'ai pas commises. Ce soir c'est le fire. Champagne pour pas dormir. Pas dormir, non, faut pas dormir. Tu sais, je te cherche depuis longtemps. Wanna see you, my baby. Oh. Je voulais ton cœur depuis longtemps. Wanna see you, my baby. Oh. Je kiffe ta cambrure, je kiffe ton dos. J'aime bien le feeling et nana, c'est bien.